acclame Jésus. Alléluia. Ça te fait du bien? Voilà. Cette chanson que nous allons chanter veut dire que tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que notre imagination. Et quand ton Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Mais ce soir, il te dit, il fait de tes ennemis ses ennemis ce soir. Alléluia. Je vais chanter avec vous. Mais cette chanson est en hibou. Si je dis Ikagiria siribu Jehovah et Ikagiria. Ikagiria siribu Jehovah et Ikagiria siribu Jehovah et Ikagiria siribu Jehovah et. Là tu dis maintenant Ikerebube, Imarama, Ikagiriasi. A vous! Ikerebube, Ikerebube, Imarama, Ikerebube, Bebe, Ye! Jésus, ça commence à venir. Ah, si je dis Jésus.